Benoît Billot est moine bénédictin, membre de la communauté du prieuré d'Étiol, située en région parisienne. Un homme de prière qui a consacré sa vie au dialogue. Dialogue avec le tout autre, qui lui fit choisir la vie monastique alors qu'il était encore très jeune. Dialogue intérieur avec lui-même, à travers l'expérience de la psychanalyse. Mais aussi dialogue avec ses frères d'autres traditions et cultures, au sein du DIM, le dialogue interreligieux monastique. Né en 1933 dans une famille de militaires, Benoît Billot a fait des études d'horticulture avant de tout quitter pour Dieu. Il nous reçoit dans la maison de Toby, qu'il a créée à Choisy-le-Roi, un centre spirituel ouvert sur l'Asie qui accueille des hommes et des femmes de toute tradition. Ma famille était très attachée à l'Église, sauf mon père qui était devenu un croyant. Ça a changé à la fin de sa vie, il a retrouvé la foi de son enfance. Mais j'ai été baigné dans une tradition, dans un catholicisme traditionnel, avec, alors ça a beaucoup compté pour moi, une sorte d'oubli des énergies du corps et une défiance par rapport à ces énergies-là. Mais un attachement au Christ, un attachement à l'Église très profond. C'était une éducation de quel type que vous avez reçue ? Assez rigide, très moraliste. Très respectueuse des enseignements, des commandements. Votre père était militaire ? Mon père était militaire, oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que la famille a vagabondé au gré des affectations. À quoi ressemblait la foi de l'enfant Benoît alors ? C'est peut-être pas votre nom d'ailleurs. Oui, j'ai été baptisé Michel. Et c'est mon prieur, lorsque j'ai pris l'habit, qui m'a nommé Benoît. Alors à quoi ressemblait la foi du Michel enfant ? Oh, j'avais une foi sincère et sans questionnement, un véritable attachement au Seigneur, évidemment avec un niveau de foi d'enfant, mais très chaleureuse, très, très joyeuse et puis en même temps très moraliste. Qu'est-ce que vous vouliez faire de votre vie enfant ? Vous aviez une idée ? Au tout début, j'ai pensé que j'avais la vocation religieuse. Lorsque j'ai grandi, au moment de l'adolescence, je me suis tourné vers la marine. Et puis, comme ça n'a pas marché pour des raisons de santé, je me suis tourné vers l'horticulture. Et d'ailleurs, j'ai fait l'École nationale d'horticulture à Versailles lorsque j'avais une vingtaine d'années, 20-24 ans. Et puis ensuite, c'est là où, de nouveau, l'appel du Seigneur m'a rattrapé. Mais rattrapé, c'est-à-dire que vous aviez déjà eu un appel ? J'avais déjà eu un appel lorsque j'étais en Corrèze, à Brive. Oui, il y avait un prêtre qui faisait le catéchisme et un jour qui m'a dit « Mais dis donc Michel, est-ce que tu ne crois pas que le Seigneur t'appelle ? Est-ce que tu ne penses pas que tu pourrais devenir prêtre ?» Cette ouverture, cet avenir m'a enthousiasmé pendant un bon bout de temps, enfin pendant plusieurs années, jusqu'à temps que les troubles de l'adolescence ne chassent cet enthousiasme par d'autres enthousiasmes. Vous aviez envie de vous marier aussi ? Oui, tout à fait. Donc il a fallu discerner après ? Et il a fallu discerner, oui. La guerre, vous souvenez, vous avez des souvenirs de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale ? Oui, j'ai des souvenirs. D'abord les souvenirs de l'Exode, puisque ma famille a été se réfugier dans une petite maison que mes parents avaient achetée dans les Côtes d'Armor, qui s'appelait à l'époque les Côtes du Nord. Et puis ensuite, brinque-ballé par des trains, lorsque la débâcle a été achevée et que l'armistice a été signé, jusqu'à la nouvelle affectation de mon père à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Et lorsque mon père est passé en Espagne, parce que les Allemands ont envahi la zone dite libre, les Allemands qui défilaient dans les rues, les prisonniers russes qui passaient en chantant presque sous les fenêtres de la maison, les oncles qui étaient en camp de prisonniers, en déportation. Donc tout ça, c'était très, très fort quoi, dans mon enfance. Et comment ça résonnait en vous, enfant ? La peur Non, c'était pas tellement la peur, c'était plutôt l'idée « un jour, tout de même, on retrouvera notre liberté, je retrouverai mon père parce qu'il est d'Espagne où il est passé, où il a moisi pendant presque un an dans la prison de Miranda ». Il est passé ensuite en Afrique du Nord et puis il a débarqué avec le corps expéditionnaire en Italie. Un très grand espoir d'avenir, de liberté et puis de retrouvailles familiales. Frère Benoît Billot, Vous nous avez dit que vous avez eu un appel de Dieu à un moment donné. Comment la question a ressurgi ? Avec ma famille, nous étions pratiquants. Et à ce moment-là, c'était après la guerre de 39-45. Nous habitions dans la banlieue ouest, à Vaucresson. Et donc, nous allions à la messe. Enfin, mon père n'y allait pas, mais avec ma mère, mes frères et sœurs, cousins et cousines. Je me suis engagé petit à petit dans les groupes de jeunes, dans les partages de foi. Et puis aussi, lorsque j'ai commencé le lycée dans la GEC, et lorsque j'étais en deuxième année d'école d'horticulture, j'ai entendu un jour une homélie du curé de Vaucresson qui m'a bouleversé, parce que c'était un appel, c'était qui peut accepter de donner sa vie pour Dieu, pour les autres, et en particulier ce jour-là, c'était pour les missions. Et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, probablement j'avais quand même entendu ça des dizaines de fois, mais ce jour-là, ça a été comme une sorte d'éblouissement, et d'un seul coup, d'un seul, j'ai vu ma vie qui s'ouvrait et le chemin qui se traçait. L'idée, c'était de devenir prêtre diocésain ou religieux, puisque vous êtes aujourd'hui moine bénédictin ? Oui, l'idée au départ, c'était plutôt religieux. Alors j'ai pensé aux jésuites, et puis petit à petit, mon choix s'est fixé sur une communauté bénédictine qui se trouvait à cette époque-là à Rungis, dans le Val-de-Marne. Enthousiasme des débuts, vous avez connu une lune de miel, comme ça arrive. Ah, oui, l'impulsion que j'avais sentie à Vaucresson, donc dans cette fin du mois d'avril, cet enthousiasme, à vrai dire, ne s'est jamais démenti. C'est un petit peu comme s'il y avait eu une sorte d'énergie incroyable qui s'était logée dans ce moment-là et qui n'a pas arrêté de se diffuser dans mon existence pratiquement jusqu'à maintenant. Une fois ordonné prêtre, vous avez travaillé pendant 20 ans en paroisse, oui. À Rungis, puis oui. À Chevilly-la-Rue. Rungis où vous avez été livreur pendant 2 ans. Oui, c'est le moment où le marché d'intérêt national a été créé sur les communes de Rungis et de Chevilly-la-Rue, où il y avait des très grands débats dans l'Église autour des nouvelles théologies, autour des prêtres ouvriers, autour de l'évangélisation. Et avec les frères de la communauté, nous sentions bien que nous ne pouvions pas suivre la voie traditionnelle aussi bien des monastères que des prêtres en paroisse, et qu'il fallait chercher autre chose. S'impliquer dans la vie active. Oui, c'est ça. Alors c'est pour ça que j'ai, pour ma part, enfin d'autres frères ont fait des choix similaires, j'ai donc recherché au moment où les halles commençaient à fonctionner, un travail, et puis donc j'ai trouvé ce travail de chauffeur-livreur, qui me prenait de 5h du matin à midi, en gros, et après ça, donc j'avais l'après-midi et la soirée pour me consacrer à la paroisse, puisque à ce moment-là, j'étais déjà prêtre. Et les gens avec qui vous travailliez à Rungis savaient que vous étiez prêtre ? Au début, non. Moi, je ne connaissais pas le métier, et j'ai appris, et je me suis rendu compte combien c'était à la fois précis, parce qu'il fallait savoir exactement combien de cajots de tomates il fallait déposer à tel endroit, et combien de caisses de fromage à tel autre. Et il fallait pas se tromper, parce que une fois qu'on s'était trompé, ben, il y avait plus moyen de rattraper ça. Donc j'ai appris beaucoup la précision et en même temps la difficulté de ce métier, parce que c'était pas facile. À une époque tout de même où il n'y avait pas d'harcèlement au travail, il y avait quand même des impératifs de vitesse, de façon à ce que le travail soit fait dans les temps. Et alors la prière du moine, comment elle s'inscrivait dans cette vie active au hall de Rungis ? Elle s'inscrivait communautairement dans l'après-midi et dans la soirée, et puis personnellement dans les autres moments de prière individuelle que je pouvais trouver dans la journée. Et ça débordait sur le travail, c'est-à-dire que je portais sur les collègues de travail, sur les clients, sur le travail lui-même, un regard que, étonné d'ailleurs, parce que c'était pas ma vocation du début, hein, je n'avais jamais travaillé comme cela. Je portais un regard étonné et puis émerveillé, très souvent un regard de foi en écoutant les conversations de celles et ceux qui m'entouraient. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Frère Bonabio, vous avez évoqué Vatican II. Vous avez complètement vécu cet enthousiasme d'après le Concile. Qu'est-ce qui est-il pour vous fondamental dans ce Concile et dans sa réception ? L'enthousiasme était déjà avant le Concile, lorsque Jean XXIII a pris les rênes de l'Église, et puis ensuite pendant tout le Concile, parce que nous avions beaucoup souffert, les frères de ma communauté et moi, des impératifs du Vatican concernant la théologie. C'était l'époque où les grands théologiens dominicains étaient priés de ne plus enseigner et de ne plus écrire. Donc on pense à Congar, par exemple. Par exemple, oui. Beaucoup de souffrance aussi devant les restrictions qui étaient mises de façon terrible au ministère des prêtres ouvriers. Et lorsque il y a une ouverture avec Jean XXIII, que les impératifs du Vatican se sont assouplis, et puis ensuite qu'ils ont disparu, que les novateurs d'avant le Concile ont été réhabilités, alors là c'était vraiment la joie, on se sentait à l'aise dans cette Église. Et en même temps, beaucoup de prêtres et de religieux sont partis à l'époque. Oui, parce que il y avait énormément de ce qu'on appelait à l'époque des vocations maternelles, c'est-à-dire des hommes qui étaient rentrés dans la vie sacerdotale ou la vie religieuse parce qu'ils avaient été élevés dans un milieu croyant, parce que c'était le désir de leurs parents, très souvent de leur mère, de les voir accéder au sacerdoce ou à la vie monastique, et donc qu'ils étaient poussés par une sorte d'état d'esprit, de pensée collective qui les amenait dans les ordres. Or, au moment du Concile, et puis après le Concile, s'est révélé le peu de poids que cela pouvait peser dans une vie d'homme, que cet embrigadement, et par contre que ce qui était le plus important, c'était l'appel personnel et la vocation personnelle. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes, et de femmes d'ailleurs, ont quitté la vie religieuse ou la vie sacerdotale, parce que cet appel en eux, dans le fond, ils ne l'avaient jamais vraiment senti. Mais vous, frère Benoît, vous étiez heureux dans votre vie de prêtre à l'époque ? Ah oui, j'étais très heureux. Et avec les frères de ma communauté, nous étions tout à fait partisans de cette transformation de mai 68. Et le fait de travailler, par exemple, à Rungis, c'était un fruit pour vous de cet élan-là ? Ça allait avec. En 1985, vous avez 52 ans et là, vous décidez de prendre une année sabbatique. Oui. Alors, tous les prêtres ne vivent pas une année sabbatique, bien qu'il y en ait qui le vivent. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé ? En 85, donc j'avais 52 ans et j'ai eu une sorte d'éclair. Je me suis vu vieillir et je me suis vu vieillir amer, désabusé et ça m'a fait horreur. Je me suis dit non, ça je ne peux pas devenir comme cela. Et pourtant vous étiez heureux, vous me disiez il y a un instant que vous étiez content de cette vie-là. D'un côté, j'étais heureux, mais d'un autre côté, je voyais une sorte de dégradation du caractère qui se manifestait dans la communauté, dans mes rapports avec les frères dans la communauté où je vivais. À ce moment-là, j'étais à Chevilly-la-Rue. Et aussi dégradation de mes relations avec les gens de la paroisse. Non pas du tout à côté des gens de la paroisse, on s'aimait bien, mais à cause de moi, parce qu'il y avait quelque chose en moi qui commençait à se bloquer. Alors c'est à ce moment-là que j'ai commencé une psychothérapie, qui au bout de 2 ans, et sur les conseils de la thérapeute qui m'accompagnait, m'a conduit à demander une année sabbatique pour aller passer quelques mois chez Graf Durkheim. Alors qui est Graf Durkheim ? Graf Durkheim avait été un professeur de psychologie dans la lignée jungienne. C'était un Allemand. Il avait passé 7 ans, je crois, au Japon comme attaché culturel de l'ambassade. Il avait pratiqué les arts martiaux là-bas, découvert la méditation. Et puis, il avait été jeté en prison au moment de la défaite du Japon par les Américains. Et dans ces quelques mois qu'il a passé en prison, s'est produit une espèce de transformation très importante de lui-même qui l'a amené à penser sa vie autrement. Alors si bien que lorsqu'il est revenu en Allemagne, il a créé dans la forêt noire, avec sa nouvelle épouse Maria Hippius, un centre de thérapie initiatique dans un petit village qui s'appelle Rutte. Donc vous êtes parti en forêt noire. Donc la première chose que j'ai faite, c'est d'aller suivre un mois de plongée linguistique en Allemagne. Et puis ensuite, j'ai demandé à venir passer quelques mois à côté de chez Durkheim en forêt noire, où j'ai donc passé 6 mois là-bas. Mais quelle a été la réaction de vos proches? Parce que Graf Durkheim s'intéresse à la tradition asiatique, au christianisme, mais à beaucoup d'autres traditions, vous, catholiques, romains, il y a eu des réactions autour de vous? Il n'y a pas eu trop de réactions de ce fait-là, parce que déjà depuis un certain temps, j'avais commencé à militer dans ce qu'on appelle le DIM, le dialogue interreligieux monastique, qui a été créé en 1968 à Bangkok par une assemblée de supérieurs monastiques, et en particulier de vivre ce qu'on appelait les échanges intermonastiques, c'est-à-dire que nous allions passer quelques semaines dans des monastères zen au Japon. Ensuite, 4 ans après, ce sont des moines japonais, des moines bouddhistes, qui sont venus dans les monastères européens. On peut dire que c'est un fruit de Vatican II, ça, parce que le dialogue interreligieux a été mis à l'honneur pendant le Concile. Fruit de Vatican II. Et donc, le premier voyage que j'ai fait au Japon, c'était en 1983. Et donc, dans ma communauté, c'était bien acquis et compris que j'avais une dimension interreligieuse. Donc, lorsque j'ai été chez Graf Durkheim, ma communauté n'a pas été inquiète outre mesure. Frère Benoît Billot, en forêt noire, en Allemagne, chez Graf Durkheim, vous passez quelques mois, qu'est-ce que vous découvrez là-bas? J'ai pu mettre en œuvre ce que j'avais découvert au Japon, la très grande importance de l'intériorité et la pertinence des outils à la fois psychologiques et spirituels que nous avons pour découvrir cette immensité que nous portons en nous. Et pendant ces 6 mois, chaque semaine, j'avais 6 ou 7 rendez-vous avec des thérapeutes qui étaient francophones, enfin qui étaient allemands mais qui parlaient français, et avec lesquels j'ai pu travailler les moyens d'entrer en contact avec mon intériorité. Mais j'aimerais revenir justement avec vous sur ce terme d'intériorité. On se dit que vous étiez moine, donc dans la grande tradition bénédictine, que cette intériorité, elle existait. Bien sûr, l'intériorité existait. Comment vous la définissez, justement? Eh bien, de même qu'il y a un monde immense qui nous entoure et que nous avons à comprendre, à découvrir, à organiser et à respecter aussi, de même, chaque être humain porte en lui un monde immense, qu'on appelle parfois le microcosme, qui est formé par les couches superficielles que nous connaissons bien, donc les émotions, les passions, les souvenirs, les projets, mais qui plus profondément est marqué par l'inconscient que nous portons en nous, l'inconscient personnel que nous avons peu à peu à découvrir, puisque comme le dit Jésus, tout ce qui est caché doit monter à la lumière. C'est d'une fidélité à cette parole qu'il s'agit lorsque nous plongeons un peu dans nos profondeurs pour découvrir ce qui nous anime de l'intérieur. Et puis encore au-delà, il y a quelque chose qui est caché, qui est ce que dans la tradition chrétienne nous appelons la demeure, la sainte demeure, la demeure de la Trinité, et qui se manifeste traversant toutes ces couches-là par les mouvements de foi qui peuvent nous travailler. Donc il s'agissait, dans le travail que je faisais à Rutte, que j'avais déjà commencé dans la région parisienne, de découvrir cette immensité intérieure et puis de l'habiter, puis de l'aimer, d'en garder les grandes énergies pour pouvoir les canaliser et les enfin les canaliser dans le sens de l'axe que j'avais découvert à ma vie. Frère Benoît Billot, Graf Durkheim propose de plonger dans son intériorité. Alors ça s'adresse à quiconque, quelle que soit sa culture, sa religion. Vous n'êtes pas dit à un moment, je vais peut-être perdre ma tradition chrétienne, des choses vont s'écrouler. Quel a été votre rapport justement à ça ? Beaucoup de choses se sont écroulées, mais ça ne m'a jamais fait peur, parce que je me suis toujours dit, voilà, il y a quelque chose qui est périmé, là. Par exemple, le fait que l'Église soit propriétaire du Christ. Par exemple, le fait que l'Esprit-Saint souffle exclusivement dans la vie des chrétiens. Par exemple, le fait que les grandes énergies de la Terre, l'assimilation, la sexualité, la créativité, etc., soient des énergies dont il faille se méfier. Le fait que l'Église soit le seul vecteur de salut. À travers ce que vous dites, on sent que ce qui avait pesé dans votre enfance en termes de crispation, c'est peut-être dégelé à ce moment-là. Oui, j'aime bien la façon dont vous dites les choses. C'est tout à fait ça. Ça s'est décontracté, ça s'est dégelé. Et beaucoup de choses sur lesquelles mon enfance avait jeté une sorte d'anathème, mon éducation d'enfance, tout d'un coup me sont apparues comme intéressantes, vivantes, porteuses de vie spirituelle, capables d'enrichir ma foi chrétienne. Grand témoin, Béatrice Soltner. Frère Benoît Billot, vous avez donc été creusé en vous pour comprendre un peu l'inconscient, hein, ce qui se jouait en vous depuis l'enfance, vous l'avez expliqué, notamment à travers cette année sabbatique avec Graf Durkheim. Et puis, vous allez aussi vous intéresser de plus en plus à l'Asie, puisque vous allez créer la maison de Toby, un espace où vous proposez des exercices d'assises à qui veut, ici, à Choisy le Roi. Comment êtes-vous venu à vraiment vous intéresser à l'Asie et au Zen ? Ça a commencé avec Albert Bénard, un grand dominicain spirituel qui avait été très touché par justement par Graf Durkheim et puis aussi par le docteur Vitoz et qui avait initié à l'Arbrel, au couvent des dominicains, des sessions qu'il appelait Sagesse du corps et prière chrétienne. Alors, vous découvrez là l'assise, le zen ? Il y avait le matin une assise et puis le soir une autre assise, 20 minutes chacune. Et dans la journée, un certain nombre d'animateurs qui étaient des instructeurs vitosiens nous faisaient faire des travaux de conscience de soi-même, de la sensorialité. Et nous avions aussi beaucoup de débats et puis des exposés autour de l'importance de l'instant présent, de la méditation et du corps comme vecteur de vie spirituelle et en particulier des sens, comme on disait chez les pères de l'Église, qui sont des fenêtres ouvertes sur l'infini. Oui, il faut rappeler que Vitoz, c'est le nom d'une personne qui a élaboré une méthode pour être pleinement conscient dans son corps, dans l'instant présent, de ce qui nous arrive. C'est ça, c'était un médecin suisse qui était, comme beaucoup de Suisses à l'époque, en avance par rapport à la France à cause de ses contacts avec l'Asie. Et il avait hérité des grandes traditions asiatiques, un certain nombre de choses qu'il a transformées, comme l'a fait d'ailleurs Graf Durkheim, pour que ce soit compréhensible par les Européens. Alors vous parlez de ce dominicain qui propose aux chrétiens en France une approche du corps et de la méditation par le zen. Comment c'était perçu à l'époque dans l'Église ? Parce que ça pouvait paraître complètement incongru. Dans l'Église, je ne peux pas dire. Mais ce que je sais, c'est que pendant que nous étions à l'Arbrel, il y avait un conflit sous-jacent entre les dominicains. Parce que Albert Bénard et quelques autres disaient « Il nous faut réhabiter notre intériorité et notre corps. » Et un certain nombre d'autres, toujours dans la communauté dominicaine de l'Arbrel, disaient « Non, l'important n'est pas là, l'important c'est de s'immerger dans les structures, sociales, politiques, qui sont injustes, pour qu'il y ait le ferment de l'Évangile qui puisse les éclairer et les réorienter. Il y avait donc ce conflit assez fort et qui, d'une certaine façon, était exclusif. C'est-à-dire que les uns disaient « la pratique de l'autre n'a pas d'intérêt. Seule la pratique que je défends est la bonne ». Bien entendu, après ça, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'exclusion. Les deux pratiques étaient aussi importantes l'une que l'autre. Mais on était à ce moment-là au début, et je pense que c'était probablement une sorte de précurseur, un combat précurseur d'un combat qui dure encore aujourd'hui dans l'Église. Vous voulez dire agir d'un côté, se démener auprès des plus pauvres, et puis d'autre côté des personnes qui s'occupent de leur intériorité, oui, de la prière, et que ce seraient deux mondes qui ne pourraient pas communiquer ? C'est ça, voilà. Alors les uns, ceux qui sont engagés à l'extérieur, disent « Oh ben oui, bien sûr, vous vous faites du nombrilisme, vous pensez à vous, vous cirez votre auréole, et pendant ce temps-là, les autres crèvent. » Et les autres disent « Ah oui, mais alors, vous êtes en train de vous perdre dans l'action, vous finissez par ne plus avoir de temps pour vous, vous en venez même à oublier le ferment évangélique, et alors le sel perd complètement sa valeur. » Donc il y a cette possibilité d'invective et d'incompréhension mutuelle. Vous, frère Benoît Billot, comment vous pensez l'articulation des deux ? Travailler son intériorité, sa vie intérieure, pour se poser, pour être capable d'être en relation avec la création, et puis le faire, l'activité. C'est un petit peu comme le masculin et le féminin. De même que moi, je suis homme, et que c'est important que dans ma vie, je développe ma féminité intérieure. De même, si je suis plus orienté vers l'intériorité, c'est important que j'ai des engagements extérieurs pour pouvoir équilibrer mon existence. Donc il y a une question d'équilibre, tout simplement, de façon à ce que nous ne soyons pas unijambistes, mais que nous puissions vivre la totalité des potentialités qui nous habitent. Vous proposez aujourd'hui à ceux qui le désirent à la maison de Tobie à Choisy-le-Roi des temps de méditation, d'assises zen. Il y a des chrétiens qui viennent justement sur le plan de la foi et de la vie spirituelle. Qu'est-ce que ça apporte donc de rester en silence assez longtemps, juste à respirer ? D'abord, je repense au récit d'un pèlerin russe où on voit le pèlerin qui a entendu la parole à l'église, la parole de l'apôtre Paul, prier sans cesse. Et il va d'église en église questionner les prêtres pour leur demander comment est-ce qu'on fait. Et les prêtres ne lui donnent que des paroles bibliques pour le convaincre que vraiment il faut prier sans cesse. Et notre pèlerin est insatisfait jusqu'au jour où il arrive chez un vieux starets, un père spirituel, où il arrive avec sa question, et le starets, au lieu de lui dire « il faut prier sans cesse », lui dit « va, trouve-toi une petite cabane dans les environs, installe-toi et viens me voir tous les jours. » Et le premier jour, tu vas commencer par répéter 3000 fois « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Et le chemin se met en route à partir de là. C'est-à-dire que le starets a compris que la question n'était pas celle du pourquoi, mais celle du comment. Or, ce que nous propose la prière du cœur, donc dans la ligne de ce starets, de même que ce que nous propose la Lectio Divina, dans la ligne traditionnelle de notre monde monastique chrétien, de même que ce que propose le zen, c'est le comment faire. Or, le zen propose un comment faire très intéressant qui permet de ne pas laisser à nos pensées cette espèce de cinéma permanent qui habite notre esprit de finir par prendre toute la place et de nous engloutir complètement. Il y a une attention au corps et en particulier au souffle. Il y a une qualité de posture. Il y a aussi, lorsqu'on est avec d'autres, un environnement silencieux, Et lorsqu'on est seul, à créer un environnement dans l'appartement ou dans la maison où on se trouve. Enfin, tout un tas de conseils très précis et très précieux pour que petit à petit, à certains moments, un vrai silence intérieur se fasse et que donc l'intériorité s'ouvre à quelque chose qui est plus grand, qui vient des profondeurs et qui est la présence divine. Donc le fait de s'asseoir, de se poser en tailleur, de respirer, ça vient de la tradition asiatique, est tout à fait compatible avec la prière chrétienne. Tout à fait compatible. D'ailleurs, très souvent, les gens utilisent les petits bancs qui ne viennent pas du tout de l'Asie, mais qui viennent de la tradition carmélitaine. Et les carmes, ainsi que les carmélites, passent 2 heures de silence devant le Saint-Sacrement. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas les outils qui sont proposés par l'Asie pour enrichir cette tradition, qui est tout de même une tradition chrétienne, tradition de silence dans l'intériorité et dans l'attention à la présence divine. Comment vous définiriez la prière chrétienne, vous, frère Benoît, quand on parle de demande, d'écoute, de silence, parfois de supplication? Qu'est-ce qui est fondamental pour vous? Comment peut-on définir cette prière chrétienne à des gens qui s'interrogent et qui souvent se tournent vers d'autres mondes, d'autres cultures, avec cette soif d'intériorité? Souvent, ils se tournent vers d'autres cultures parce qu'ils ne connaissent pas bien leur propre tradition. Et ils ne la connaissent pas bien parce qu'on ne la leur a pas bien enseignée. Donc la prière chrétienne, fondamentalement, c'est la conscience de la présence avec un grand P, dans mon corps, dans ma vie, dans tous les instants de mon existence, dans ma communauté, dans les événements de la vie, dans la nature qui m'entoure, toute occasion et en tout lieu. La prière, fondamentalement, c'est rien d'autre qu'une conscience de ce qui est déjà la présence divine dans ma vie. Ce qui est déjà, c'est déjà là. C'est déjà là. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que dans le christianisme, il y a la présence avec un grand P, c'est quelqu'un. Oui. Dieu, révélé par Jésus-Christ. Oui. Beaucoup de nos contemporains ont évacué ça et font des exercices de méditation sans cette dimension. Sans cette dimension, mais qui souvent réapparaît à leur insu. Parce que je vois arriver beaucoup de gens qui ont vécu pendant des années dans une tradition non chrétienne, surtout d'ailleurs asiatique, bouddhiste ou hindou, et qui, grâce à cette plongée dans une autre tradition et aux exercices qui leur ont été proposés et aux maîtres qu'ils ont rencontrés, un jour sentent au fond d'eux bouger, si on peut parler ainsi, la présence christique. Et à ce moment-là, se disent « Ah, mais dans le fond, j'ai été élevé dans le christianisme, mes racines sont dans l'Église, est-ce que je ne pourrais pas trouver quelque chose d'analogue à l'intérieur de l'Église ?» Et à ce moment-là, les différents centres chrétiens qui proposent ces activités-là les voient arriver. Et donc, leur permettent de poursuivre leur chemin, mais dans un rattachement clair à l'Église. Oui, donc vous, centre spirituel qui ouvrait vos portes pour pratiquer le zen, avez un rôle très important dans l'Église pour accueillir tous ceux qui cherchent sans savoir forcément où ils vont. C'est très important qu'il y ait un certain nombre de centres comme celui de la Maison de Toby dans l'Église, parce que beaucoup de gens dans l'Église, et parfois un certain nombre de prêtres, ont une grande méconnaissance de ce que c'est qu'une spiritualité asiatique. Et j'ai vu plusieurs fois des gens qui venaient me voir, qui disaient « ben voilà, j'ai été à l'Église à côté de chez moi, j'ai demandé à parler à un prêtre, je lui ai raconté mon histoire, il m'a écouté avec beaucoup d'attention et de respect, mais dans le fond, ce qu'il m'a dit se résume à une phrase, ce que vous avez vécu, c'est très bien, mais maintenant, vous pouvez déposer ce paquet-là et puis rentrer dans l'église. Or, il ne s'agit pas de déposer ce paquet-là. C'est une expérience très profonde qui a été vécue et qui doit être intégrée dans le christianisme, pour reprendre un langage horticole, puisque ça a été ma première formation, qui doit être greffée sur l'arbre, le grand arbre chrétien. Frère Benoît Billot, la place du corps est très importante dans la tradition asiatique, les exercices, le souffle, la respiration. Alors, le christianisme, c'est vraiment la religion du corps, l'incarnation. Comment se fait-il que nos contemporains aillent vers l'Asie pour retrouver cette présence corporelle, habiter leur corps, sachant que le christianisme est riche de cette tradition? D'ailleurs, dans la tradition, il y a eu des périodes où le corps a été mis en valeur. Oui, ça c'est un des paradoxes étonnants. C'est que le christianisme, religion d'incarnation, a été vécu tout au moins dans nos régions depuis quelques siècles, en tout cas depuis le Concile de Trente. Le corps a été vécu comme une difficulté. Je pense que là, nous avons renoué avec la tradition grecque qui voyait le corps comme un obstacle, cette fameuse formule, le corps prison de l'âme. Donc Platon, l'héritage de Platon. L'héritage, oui. Et nous avons maintenant à renouer plus profondément avec la tradition biblique, sans lâcher la tradition grecque qui est très très importante, qui, elle, voit dans le corps le vecteur essentiel de la vie spirituelle. Alors, nous avons un travail à faire. Le grand travail de moralisation qui a suivi le Concile de Trente et qui a été développé chez nous par le jansénisme, développé et dévié aussi par le jansénisme, nous a conduit à ce que j'ai connu, moi, dans mon enfance, l'éducation. Où il fallait mater le corps. Mater, oui. Mais est-ce qu'on n'en est pas sorti quand même maintenant? Je pense qu'on en sortira collectivement. Et on en sortira difficilement parce que ça n'est pas seulement le problème de l'Église, c'est aussi le problème de notre culture. Notre culture conçoit le corps comme un objet de plaisir par exemple, un objet de rentabilité, et ne conçoit pas le corps comme étant moi-même. Il y a un passage à faire que Durkheim exprimait très bien par la formule « il faut passer du corps que j'ai » au corps que je suis, c'est-à-dire passer du corps objet au corps qui est moi-même dans tous les détails de mon corps. Ce passage culturel, nous sommes encore loin de l'avoir fait, et je rends grâce d'ailleurs de la plongée des religions asiatiques dans notre culture, parce que c'est probablement par là que nous allons pouvoir nous acheminer vers ce que Albert Ménard appelait « sagesse du corps ». Nous avons vraiment besoin de retrouver une sagesse du corps. Frère Benoît Billot, vous évoquiez les religions. Vous avez été responsable pendant 18 ans du DIM, le dialogue interreligieux monastique. Ça consistait à se rencontrer entre moines et moniales de toute tradition religieuse. À l'heure où on parle beaucoup du dialogue entre les religions comme nécessaire, comme une nécessité dans un monde plus qu'incertain, est-ce que le dialogue peut grandir aujourd'hui? Parce que parfois on a l'impression qu'il y a des blocs qui s'opposent. Le dialogue est devenu impératif. Le dialogue interculturel et interspirituel est devenu impératif. C'est une réalité quotidienne, et ça, on n'échappe pas à ça. Il suffit d'aller voir dans les églises du monde populaire, c'est extraordinairement mélangé. Surtout en région parisienne où vous habitez. Surtout en région parisienne. Mais dialoguer, ça signifie quoi? Dialoguer avec un frère ou une sœur qui n'a pas la même tradition religieuse, culturelle, spirituelle que moi? Dialoguer, ça veut dire, il y a beaucoup de choses. Et c'est pas d'abord au niveau de la parole. C'est pour ça que quand on dit dialogue interreligieux monastique, il y a quelque chose qui n'est pas très juste dans la dénomination, puisque le dîme est fait essentiellement de convivialité. Donc c'est se rencontrer, d'abord. C'est se rencontrer. Par exemple, lorsque nous avons été au Japon, nous avons vécu intégralement la vie des monastères zen dans lesquels nous étions plongés. Et lorsque les moines zen viennent dans nos monastères chrétiens, ils participent intégralement à la vie. Et c'est à partir du vivre ensemble, à partir des découvertes que l'on fait, à partir des amitiés que l'on commence à nouer, que l'on peut commencer à établir un dialogue. Donc là, le dialogue de la parole est important, et c'est important qu'il y ait des congrès où l'on discute, par exemple, de la paternité spirituelle ou de la pauvreté dans les différentes traditions. Mais le plus important, c'est vivre avec, être avec. Or ça, c'est quelque chose qui est possible pour tout le monde, parce que, sauf dans les quartiers réservés, disons, où il n'y a que des Noirs ou que des Blancs, en général, la population est mélangée. Oui, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce dialogue-là, il n'est pas réservé à des experts autour d'une table qui se voient deux fois par an, mais que c'est à vivre dans l'ordinaire des jours. Dans l'ordinaire des jours, oui. Quand j'ai été nommé ici même à Choisy, dans cette maison où nous sommes en train de parler, j'ai découvert la maison qui se trouve juste à côté au nord, ce sont des Juifs qui l'habitent, et l'autre juste à côté au sud, ce sont des Asiatiques qui l'habitent. Donc voilà, on était en plein dans le dialogue interculturel, à condition que on se rencontre sur le trottoir, qu'on se dise bonjour, comment ça va, qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui, enfin qu'on amorce un dialogue, qu'on parle un petit peu, et qu'on ne soit pas à se regarder comme des chiens de faïence. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant qu'humain, personne, et que moine aussi, moine bénédictin, ce dialogue, vous qui êtes chrétien, qui habitez bien votre tradition, tout en vous intéressant à celle de l'autre? D'abord, on peut dire que lorsque nous sommes arrivés au Japon, nous avons été totalement dépaysés par un milieu culturel et spirituel qui nous était absolument étranger, mais nous sommes arrivés auprès d'hommes qui étaient des moines, comme nous. Et donc, tout de suite, il y a eu quelque chose qui s'est établi, parce que le silence, la solitude, la prière, la méditation, l'intériorité, l'écoute du maître, le respect des grandes paroles sacrées, la récitation des sutras, bon, tout cela, ça ne nous était pas du tout étranger, c'était vraiment notre monde. Alors déjà, à ce niveau-là, c'était très précieux d'être moine avec des moines. Mais qu'est-ce que ça change à votre propre foi, ce dialogue-là? Donc ça change beaucoup dans les représentations. La représentation que je peux me faire du Christ, de sa présence dans le monde. C'est-à-dire que j'ai fini par comprendre quelque chose autour de la résurrection. Jusque-là, je pensais que le Christ était ressuscité, et comme disent nos textes sacrés, l'ascension, qu'il était monté au ciel pour s'asseoir à la droite du Père. Donc j'avais une sorte de représentation un peu symbolique, comme ça, un peu extraordinaire, parce que franchement, on ne voit pas très bien les apôtres en train de regarder Jésus s'élever comme une fusée Ariane au milieu d'eux et disparaître derrière le premier nuage venu. Mais je n'efface pas du tout la pertinence du texte sacré, parce que je comprends que ciel, ça veut dire autre chose. Et là, il a fallu que je fréquente les textes sacrés des autres religions pour comprendre que ciel désigne l'infini, et en particulier qu'il désigne l'infini qui habite les profondeurs de l'être humain. Et donc que la résurrection du Christ signifie que le Christ vient habiter, c'est là d'ailleurs où les paroles de l'évangile de Jean sont particulièrement éclairantes. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Donc le Christ, le Père, la Trinité, avec l'Esprit, viennent habiter dans les profondeurs intimes de celui qui peut les accueillir. Donc là, vous êtes sorti d'une conception tout à fait dualiste où il y aurait la terre en bas, le ciel en haut. Ça a beaucoup été d'ailleurs imagé dans l'art, hein. C'est oui, une manière oui, de parler. Et vous découvrez quelque chose de beaucoup plus intérieur, qui se situe dans l'intériorité, ce ciel qui est en nous. Oui, alors là, vous venez de prononcer un mot qui est une de mes grandes découvertes. C'est la question du dualisme et du non-dualisme. La non-dualité, comme disent les hindous, Advaita. Et donc, pendant longtemps, j'ai vécu Dieu comme étant là-haut, et puis moi, ici. Donc Dieu, dans toute sa toute-puissance, sa magnificence, son immuabilité, là-haut. Et puis moi, dans mes faiblesses, dans mes fragilités, et avec ce mot pécheur qu'on nous a beaucoup rabâché, ici-bas. Et alors, les voyages, les lectures, les contacts avec les religions asiatiques m'ont fait vraiment changer d'avis et de représentation. C'est-à-dire que j'ai compris que la divinité habite le cœur humain et que donc l'être humain est porteur de l'infini. Il est à la fois fini et infini. Et en ce sens, donc, Jésus est devenu comme une sorte de représentation, de personnage symbolique de ce que tout homme est appelé à devenir, à savoir le trait d'union entre le fini et l'infini. Comment faire pour laisser l'infini habiter en moi, se développer en moi, et pour que mon enveloppe, si je puis ainsi parler, donc mon être conditionné, mes émotions, mes passions, mon savoir, mon ignorance, mes fragilités, etc., tout ça, ça devienne transparence à cette lumière infinie qui m'habite. Et donc, ma perception et ma représentation du Christ a énormément changé de cette façon-là. Et j'ai perçu, en côtoyant des grands bouddhistes, comme d'ailleurs des grands hindous, des maîtres, j'ai perçu qu'ils possédaient en eux cette lumière, qu'ils diffusaient autour d'eux cette lumière et cette énergie. Et donc, j'ai tout de suite perçu que la présence christique, je n'oserais pas le leur dire comme ça, mais la présence divine les habitait. Et c'est là donc, pour moi, ça a été un changement très important. Frère Benoît Billot, vous expliquiez que la rencontre avec des frères et des sœurs de l'Orient, du Grand Orient, de l'Asie, dans leur tradition, a modifié votre conception du Christ. Et vous disiez que l'Église aussi a changé pour vous, enfin, le rôle qu'elle peut avoir. Qu'est-ce qui a changé pour l'Église ? Ce qui a changé pour moi, c'est d'abord que l'Église n'a pas tout, mais qu'elle peut être en position d'accueil, qu'elle a à accueillir les recherches des hommes d'aujourd'hui, qu'elle a à les bénir, et qu'elle a à intégrer ces découvertes-là dans ses propres représentations, pour mieux percevoir ce qu'elle est en réalité. Qu'elle a aussi à intégrer ce qui est vécu dans les autres religions, de façon à pouvoir devenir réellement catholique, à savoir que tout ce qui est bon et juste dans l'univers doit être accueilli dans l'Église comme étant sacré, même divin, et doit être branché sur l'arbre du Christ. Donc ce que je découvrais, c'était que l'Église a développé sa dimension de catholicité. Aujourd'hui, frère Benoît Billot, vous êtes responsable, je crois, dans votre communauté de la musique et du jardinage. Oui. À la lumière de tout ce qu'on vient de dire, ces activités qui sont des activités de faire, mais aussi d'être, qu'est-ce qu'elles vous apportent ? Je suis trop axé sur la technique. C'est-à-dire que pour la musique, par exemple, je fais trop attention à la technique, au rythme, au tempo, au fait de chanter juste, et je ne fais pas suffisamment attention à la puissance des mots et à la qualité de la prière telle qu'elle s'exprime lorsque nous chantons ensemble au chœur. Donc je suis loin d'avoir intégré la puissance spirituelle qui se trouve à l'intérieur de notre propre tradition et que j'ai découverte aussi dans les autres traditions. Et alors pour le jardinage ? Alors pour le jardinage, c'est un petit peu pareil. Je fais trop attention à la technique. Je sais que c'est à telle époque qu'il faut planter, à telle autre époque qu'il faut élaguer. Mais il n'empêche que, aussi bien dans la prière commune que dans le jardinage, j'essaie toujours d'éveiller cette joie qui vient devant la beauté, le don divin de la beauté, qui naît de la beauté, mais qui naît aussi de la croissance. Voir des rosiers qui se développent, qui portent leurs boutons, puis ensuite leurs fleurs, qui parfois sont menacées par des insectes, mais que je dois soigner. Donc le fait d'apporter mon concours à cette œuvre extraordinaire de la nature, et quand je dis la nature, je vois plus loin que la nature, je vois aussi l'œuvre de l'énergie divine qui traverse la nature, les plantes, les animaux et puis les êtres humains, porter mon accord, mon soutien pour que tout cela puisse aboutir, là ça pour moi c'est une joie très très profonde. Vous êtes heureux dans votre vie de moine aujourd'hui, bénédictin, donc moine pour la ville. Vous êtes à Étiole, donc oui. Dans votre communauté, vous venez de temps en temps à Choisy pour la maison de Toby. Oui. Voilà, vous êtes vraiment dans le monde, moine dans le monde. Oui. Ça vous rend heureux ? Ah oui, je trouve que j'ai une vie passionnante. Il y a des soirs où je m'endors fatigué et croyant, et des matins où je me relève léger, en bonne forme et incroyant. Alors si bien que j'ai tous les jours un chemin à faire pour aller de l'incroyance du matin à la croyance du soir, et toutes les nuits un chemin à faire pour aller de la fatigue du soir à l'énergie du matin. Une parole de l'Évangile qui vous touche particulièrement, frère Benoît Billot, et que vous aimeriez nous partager ? Ce que nous sommes n'apparaît pas encore clairement. Je ne suis qu'un brouillon de moi-même, et je suis toujours en train de travailler, comme beaucoup d'êtres autour de moi, pour devenir un peu plus nous-mêmes. Et un jour, alors je ne sais pas quand et comment, nous découvrirons ce que nous sommes en réalité. Je pensais, en vous écoutant, à l'image de la tapisserie. On peut la regarder de derrière, où on voit tous les nœuds, tous les fils, et puis on ne voit pas le devant qui est magnifique. Oui, exactement. Ça pourrait être aussi illustrer ce que vous êtes en train de dire. Tout à fait, c'est une très bonne métaphore. Donc, croire qu'on est toujours en progression, même si le mot progression n'est pas forcément le bon, mais en devenir. En devenir, parce que le mot devenir est un mot fondamental de la vie spirituelle. Les gens qui pensent qu'ils sont arrivés quelque part, ou bien qu'ils ne pourront rien changer, parce qu'ils sont un peu bloqués, ça je les plains beaucoup, parce qu'aucune vie spirituelle n'est possible dans cette situation-là. Quel est selon vous le secret pour rester jeune, même si l'on est vieux en âge, rester toujours jeune ? Il y a quelque chose en nous qui est présent, c'est notre enfance. Ce petit personnage que nous fûmes lorsque nous avions 2 ans, 5 ans, 8 ans, est toujours là. Et c'est vraiment nécessaire de lui donner sa place. Donc de s'étonner, d'admirer, de jouer, d'attendre, de demander, et c'est les qualités de l'enfance, si je suis capable de les accueillir dans mon aujourd'hui, elles sont présentes et elles m'empêchent de devenir ce que j'ai cru apercevoir avant que je commence une psychothérapie et puis une psychanalyse, ils m'empêchent de vieillir racorni et amer. Nous finirons avec cet éloge à l'enfance. Merci à vous, Frère Benoît Billot, vous avez écrit plusieurs livres, je ne vais pas tous les nommer, mais j'en cite deux. « Comment être chrétien », paru aux éditions du Relier, et « Voyage spirituel dans le bouddhisme zen », paru chez Actes Sud. Exact. Merci à vous. Merci Béatrice.